بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. Venir au Yémen ou pas. Par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Que dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous allons certes vous éprouver par un peu de faim et de peur et de manque de fruits et de biens et de personnes. Alors annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ceux, lorsqu'une épreuve les touche, disent « Certes, nous sommes Allah et c'est à lui que nous reviendrons. » Ceux-là auront l'éloge d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça s'arrête sur eux, et ceux-là sont les bien guidés. « Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith 'inda Abi Zayd Usama ibn Zayd ibn Haritha. Hinama tufiya ابنني بنت النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت إليه فقال لها إن لله ما أخذ ولو ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالتصبر والتحتسب. Que lorsqu'une des filles du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم décéda un de ses enfants en bas âge, il l'envoie pour message et lui dit que certes revient à Allah ce qu'il a pris, et que c'est à lui ce qu'il a donné, et que chaque chose a été donnée avec un terme prédestiné. Alors que tu patientes et que tu cherches la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela en guise de quoi? À la base, comme vous le savez, notre dirs aujourd'hui aurait dû être sur Al-Mabad al-Mufida. Mais suite à certains événements qui ont eu lieu ici au Yémen il y a quelques jours, et à certaines questions qui ont été posées, j'aurais aimé ici en parler brièvement, en guise de rappel pour nous-mêmes en premier lieu, et ensuite pour les frères et les sœurs à l'extérieur, surtout ceux qui souhaiteraient venir au Yémen. Azakir fa'inna zikatan fa'al mu'minin, et rappelle qu'elle le rappelle pour vite aux croyants. Il ne vous a pas échappé que deux de nos frères, من الأفاضل ونحسبهم كذلك والله حسيبهم أخونا فهيد أخونا فريد أبو جهيرية الجزائري وأخونا مراد أبو ابتسام المغربي قتلا ظلما في الشوارع في الشارع شوارع صنعاء من قبل الحوثيين الروافد المرتدين الكفر الفجرة. Que deux de nos frères ont été tués, froidement abattus dans la rue, ce mercredi dernier, par les Houthis, alors qu'ils se rendaient à leur cours quotidien au Masjid al-Fath. Et que cette nouvelle, bien sûr, a tristé toute personne ayant un minimum d'iman dans sa voix, c'est-à-dire les frères et les sœurs en islam, et même certains koufars qui ont de la rahma, malgré tout. Car il s'agit là d'une pure injustice. Le but là n'est pas d'évoquer l'affaire en soi, détailler l'enquête ou quoi que ce soit, non. Le but là est tout d'abord pour que les cœurs se rassurent et que la panique ne rentre pas. Que les gens se rassurent et qu'ils se donnent la bonne nouvelle. Déjà nos frères étaient muhajirin. D'accord ? ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Que celui qui sort en tant qu'immigré sous le sentier d'Allah, qu'il trouvera maintes richesses. Et que celui qui sort de sa demeure en tant qu'immigré vers Allah et son messager, puis que la mort le rattrape, Alors sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa yakulu subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'ikatul maut. Que chaque âme goûtera la mort. La mort est une chose qui est inévitable, inéluctable. Pour tout être humain. Allah ne nous a pas créés pour que nous vivions éternellement ce bas monde. Donc cette mort est prédestinée à chacun. La question est où et quand et comment. Faizaja ajaluhum falastakhinu sa'atan wa lastaqdimun. Et que lorsque leur décret arrive, leur terme arrive, ils ne peuvent ni le reculer ni l'avancer d'une heure. Quand il vient, il vient. Hein? Wa la tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Qu'aucune âme ne sait en quelle terre elle va mourir. Cependant, la chose qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas qu'on sache quand on va mourir, ni où on va mourir, ni comment on va mourir. Ce qu'il nous a demandé, c'est quoi ? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Hein ? Elis l'islam, c'est l'islam lillah, ou l'inqiyadu lahu, bit tawhid. Le fait de se soumettre à Allah, par le tawhid, ou l'inqiyadu lahu, bit ta'a. De se laisser mener par le tawhid, par son obéissance et par le tawhid. Donc cela inclut plein de choses. Le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se tenir à son ordre. Ce qu'il doit faire, on le fait. Et ce qu'il doit ne pas faire, on ne le fait pas. En mesure des capacités, comme cela est venu dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit فَمَنْ نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاشْتَنِيبُهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُمِنُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. Que ce que je vous ai interdit, alors évitez-le. Et ce que je vous ai ordonné, alors accomplissez-le en mesure de vos capacités. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées, premièrement, comme dans le verset cité, le fait de ne mourir qu'en étant en état de pleine soumission. Comme quand Allah ta'ala, Troulofisil mikafa, wala tattabi ukhutwati shaitan, inna ulakum adun mubin. Fainzalaltum mimbardima, jatkumul bayena, fa'alamu annallaha, azizun hakim. Rentrez dans l'islam pleinement, en pleine soumission, et ne suivez pas les pas de shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et que celui qui revient en arrière après que l'épreuve soit venue, alors sachez que Allah est puissant et sage. Les ordres de cette religion sont connus, très connus. Et parmi eux, la hijra. Pour qui n'est pas en mesure d'accomplir sa religion en terre de Kouf. D'accord ? Et les preuves sont là, sont très connues, vous savez. Le sujet a été, alhamdoulilah, abordé. A été beaucoup abordé. Et c'est un point sur lequel nous assistons énormément. Taïeb. Maintenant, à partir de là, où je voulais en venir. Que nos deux frères, Farid et Mourad, rahmatullah alayhima, sont venus en tant que muhajirin. Sont venus en tant que toulab al-ilm, pour apprendre la religion. Donc ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, en venant au Yémen. La hijra, on ne sait pas ce que contient leur cœur. On juge les apparences. Et ce qu'on a vu d'eux, c'est une détermination à rester au sein de leurs frères. Premièrement, donc ça c'est les signes de la hijra, qui voulaient vivre avec leurs frères en pays d'islam. Et se désavouer des koufars en pays de Kouf. Deuxièmement, talab al-ilm. Que chacun en mesure de ses capacités. Qui recherche la science, chacun en mesure de ses capacités. Et nous l'avons vu. Le frère Farid suivait ses cours. Le frère Mourad, kazalik. Et Mourad, mashallah, même s'il n'avait qu'un mois, on a vu de lui un grand igbel à la talab al-ilm. Lazim Yusuf al-Awwal, da'iman, qu'il était tout le temps au Saf al-Awwal à la mosquée dans notre quartier. Fi kulli salawat, allati ra'aynaha wa huwa mawjoud. Wa mu'addab, de très bon comportement. Et comme nous l'avons dit, nous n'avons pas la zahir. Là, c'est le jugement sur les apparences. Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, ces frères-là? À la zahir kazarik na'am. On les a vus satisfaits de ce qu'ils ont trouvé ici. On les a vus à l'aise avec leurs frères. Donc maintenant, après qu'il soit passé ce qui s'est passé, les Houssi, vous le savez, les Houssi, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils font du mal aux gens de la Sunna. Même Umouman et Rawafid, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Et vous connaissez la nouvelle que, comme quoi, les Rawafid sont les Houssi sont en train de prendre de l'avancée au Yémen, qu'ils ont pris Saada, déjà, cela est connu. Qu'ils ont pris Sana'a, également. Qu'ils sont en train de se disperser un peu partout dans le Yémen. Mais Kulu Haza ala Zahir. Tout ça, c'est en apparent. Car les Houssi ne sont que des Umala, ne sont que des employés. Les Houssi, ce qui se passe actuellement là, ce n'est pas eux. Eux ne sont que des joueurs dans la main de personnes qui complotent et qui jouent avec les pays d'islam. Donc le vrai danger ne vient pas des Houssi en soi. Le Houssi, lui, peut être dangereux pour ta vie. Wakabakot kultunakum, kulu nefsin zaikatul maut, que chaque âme goûtera à la mort. Le Houssi n'est un danger en apparence que pour la vie de la personne. Amel Kafir, lui, c'est un danger pour ta vie et pour ta religion. Comme a dit Allah. وَلَا يَزَلُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اسْتَطَاعُوا فَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِي فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Qui ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils quoi, ils vous fassent sortir de votre religion, s'ils le peuvent. Et quiconque d'entre vous meurt en ayant apostasié de sa religion, alors ceux-là, leurs œuvres seront annulées, et ceux-là seront parmi les gens du feu, et ils seront éternellement. Cela contredit quoi? Le verset que nous avons dit auparavant. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Que beaucoup, ou que les gens du livre, et des mouchriks, aimeraient vous voir apostasier, mécroire de votre religion, par jalousie. Et cela après que quoi? Que la vérité leur soit apparue. Donc maintenant, des frères, par rapport à tout cela, nous posent des questions. Ou à eux-mêmes, parmi ceux qui auraient voulu venir au Yémen. Ils disent, est-ce que maintenant, c'est bien que je vienne au Yémen ou pas? Est-ce qu'il est bon que je vienne au Yémen ou pas? Là est le sujet de ce rappel. Venir au Yémen ou pas? À la base, le Yémen, vous le savez, c'est un pays d'islam. Et parmi les meilleurs pays d'islam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait l'éloge de ces gens. Donc, il va de soi que les meilleurs pays d'islam seront les plus visés par les koufars. Et seront ceux qui auront plus de difficultés, du moins pour lesquels le serviteur trouvera plus de difficultés à atteindre. Kama kulna fil hadith an Abi Huraira. Hudibat al-jannah bil makarih wa hudibat al-nar bil shahawat. Que le paradis était recouvert par les choses détestables, alors que le feu lui était recouvert par les choses attirantes et plaisantes, de plaisir. Et ce hadith englobe ce sens également. Que les choses bonnes pour toi pourront paraître plus amères à avaler et à goûter. Et cela a été cité parmi les gens des salafs, qui disaient que ce que tu vois que ton âme n'aime pas, sache que souvent cela fait partie des meilleures choses pour toi. Et que ce qui attire ton âme, tes shahawat, souvent sont des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc là, il se passait quoi? Une barrière en apparence pour les personnes motivées qui voulaient venir au Yémen. Et quand je dis au Yémen, je parle chez les gens de la Sunna. Hein, chez les salafis. Pas chez les Hizbi, pas chez les Ikhwan, pas chez les je ne sais qui, les soufis ou quoi. Je parle chez les salafis, les purs salafis du Yémen. Donc maintenant la question se posait. C'est quel était l'objectif du Abd حينما أراد أن يأتي إلى اليمن, par sa venue au Yémen, quel est son objectif primaire? C'est quoi? Est-ce que c'est préserver sa religion Cela est présent au Yémen. Il va le trouver. Biznillah. Est-ce que c'est sauver sa famille du feu et ses enfants pour leur éducation? Qu'a fait Kouli Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Est-ce qu'il va le trouver? Inch'Allah, il va le trouver. Est-ce qu'en venant au Yémen, il veut augmenter le nombre des gens de l'islam en pays d'islam? Il va le trouver au Yémen. Est-ce qu'au Yémen, il va trouver une liberté de culte pour sa religion, d'adorer Allah comme lui le sent? Inch'Allah, il va le trouver au Yémen. Est-ce qu'au Yémen, il va trouver le ilm, al-shal'i, al-sahih? Il va le trouver au Yémen, bi'idhnillah. Il y a les ulama, il y a la science. Est-ce qu'il cherche la da'wa salafia, al-sahiha, al-safiya, al-naqiyya? Il va la trouver au Yémen. Naam. Donc si c'est ça qu'il veut, le abd, en venant au Yémen, il va le trouver. Bi'idhnillah ta'ala, il va le trouver. Maintenant, est-ce qu'il cherche le confort? Allahu a'lam. Il peut le trouver, comme il peut ne pas le trouver. Ou tout comme il peut le trouver ailleurs. Mais les choses citées précédemment, ce n'est pas tout qu'il trouvera ailleurs. Est-ce qu'il cherche la sécurité pour sa personne en parlant de sa vie? Au Yémen, c'est sûr, il y a des dangers. On ne va pas faire comme si rien n'était. Il y a des dangers. Sûr. Tout comme le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait quitté Mekka, qu'il est parti à Medina, c'est là que le jihad a commencé. Il n'a pas commencé à Mekka. À Mekka, il était Moustadaaf. Les premiers combats qui ont lieu entre les musulmans et les mouchriquines, c'était à Badr. Et là, ils étaient où les musulmans? Al-Medina. Muhajiroun. Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. C'est là que ça a commencé. Donc, que le Ab Satan, à partir du moment où il partira vers un pays d'islam, et plus cet islam sera fort, hein, et plus la Dawa sera forte, et plus il aura des preuves et d'ennemis, et sera amené à combattre cet ennemi. Qu'il le sache. Donc maintenant, savoir quelles sont les priorités. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux le confort? Tu veux la paisibilité? Tu veux la sécurité? Tu veux le repos? Tu veux l'aisance? Je pense pas que tu vas trouver ça au Yémen comme tu l'imagines. Non. Si tu veux ça, non. Alors, le Yémen, c'est pas un pays vraiment qui sera adéquat. Ce ne sera pas un pays adéquat. Maintenant, tu veux le ilm, tu veux l'islam, tu veux le sabr, tu veux taqwiyat al-iman, tu veux la jama'a, tu veux la dawa salafiya, et tu veux l'agrément d'Allah, Inch'Allah, au Yémen, tu vas le trouver. Tu vas le trouver au Yémen, Inch'Allah. Comme nous l'avons dit. Toyeb, là, je parle maintenant pour le Yémen, pour les gens qui ont les possibilités matérielles de venir. Car venir au Yémen coûte très cher. Là, on ne va pas faire comme si de rien n'était pareil. Ça coûte cher de venir au Yémen. Sans entrer dans le détail, ça coûte cher. Il faut avoir les moyens. Mais de là, ce point là, Allah, il t'éprouve. Même dans tes biens. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es prêt à venir au Yémen, alors paye-en le prix. Et il se peut que t'en payes le prix par tes biens, tout comme il se peut que t'en payes le prix par ta vie. Car les choses les plus chères pour le serviteur, en ce bas monde, sont ses biens, sa vie et celle de ses proches. Et le verset cité, au début de la Kalima, montre bien que tu seras éprouvé par ces choses-là. Hein? Al-mal, al-naqs min al-amwal, wa al-anfus. Tu les trouveras. Et crois-moi bien que même en dehors du Yémen, tu trouveras ça aussi. Cependant, les gens qui auront appris et qui ont été muwaffaqoun auront plus de sabre et plus de faibet devant l'épreuve. Donc leurs degrés seront plus élevés. Là est la différence. Et également, Inch'Allah, ils seront mieux entourés. Car la jama'a, les mojouda. Des machères sont mojoudoun. Et les toulèm. Toulèm ben mojoudoun. Donc le rappel sera fait. Le nasiha, elle sera prodiguée. Toutes les causes, alhamdoulilah, sont en place pour pouvoir quoi? Faire face à l'épreuve pour celui qui est muwaffaq et mukhlis. Maintenant, est-ce qu'on dit que le Yémen, c'est wajib pour toi de venir au Yémen? Non, c'est pas wajib pour toi de venir au Yémen. On va pas dire celui qui vient pour Yémen, il est athim. Sûrement pas. À la base, ce que Allah a demandé en premier lieu, dans la hijra, c'est d'aller en pays d'islam. Et la chose la plus émouvante dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'accomplir ses obligations. Comme dans le hadith. Que mon serviteur ne s'est pas approché d'une chose plus émouvante de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et la hijra, à la base, il est conditionné de quoi que ce soit un pays d'islam. Même si c'est un pays où il y a beaucoup de péchés de ma'asi, si on peut l'éviter, c'est mieux. Mais il sera toujours mieux que la France et qu'Inch'Allah, qu'ad burat dhimma, qu'il aura accompli son obligation. Après, ce qu'il pourra tenir là-bas, c'est une autre histoire. Car la hijra, ce n'est pas le simple fait de transporter ton corps, prendre ton corps d'un pays de Kouf et le mettre en pays d'islam et vivre pareil. Non. Il y a aussi une éducation à faire. Un mode de vie à avoir. C'est une ibada. Et celle-ci s'acquiert comment? Que la foi monte, hein, que le stikama se met bien en place, que le tawhid se renforce par la science. Par la science. Et la science, est-ce qu'on peut la trouver chez des gens fiables dans tous les pays d'islam? Non. Ce n'est pas partout que tu vas trouver des ulama. Et quand on parle des ulama, on parle des ulama al-rabbaniyoun. Vraiment les ulama qui enseignent et qui appliquent, et qui appellent à ce qu'ils appliquent et qui passent sur ce qu'ils subissent, en appelant à cela. Haoula al-rabbaniyoun. Hein? Donc de là, mon but en cela était de rappeler que cela ne doit effrayer personne, ce qui s'est passé. Que celui qui est motivé à venir et qui sait dans quoi il s'engage, alors qu'il continue à faire ce qu'il avait à faire. D'accord ? Que celui qui sent qu'il ne va pas supporter, فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ. Celui qui a peur de cela et qui ne veut pas l'affronter, personne ne peut le forcer. لَا يُكَلِفُ لَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Mais ce qu'on dit aux gens qui veulent éviter l'épreuve, on leur dit que, où vous soyez, elle viendra. Que les gens qui ont peur de la mort, comme a dit Ta'ala, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Où que vous soyez, la mort vous rattrapera, quand bien même vous soyez dans des tours renforcées. Donc si c'est la mort qui fait peur, tu vas la trouver partout, la mort. Et comme nous l'avons dit, maintenant l'essentiel, c'est pas d'éviter. C'est de savoir en quelles circonstances, dans quel état tu vas mourir. Hada. Al-Thabat. Hein? Al-Istiqama. Al-Tawhid. Al-Sunnah. Hada wa Ahm. Plus important, c'est ça. Comme on dit demain, un frère est parti, a fait les causes, il est venu au Yémen. Et après, est arrivé, il s'est fait tuer. Rahmatullah alayhi. Est-ce un échec ou une réussite en apparence? Ce frère a fait ce que Allah lui a demandé de faire. Contrairement à un frère qui lui serait en pays de Kouf, qui freinerait cette hijra par peur de payer trop cher, par peur d'avoir faim, par peur d'avoir froid, par peur de se faire tuer, et là il sort de chez lui, il prend sa voiture, accident dans la voiture, khalas, il est mort. Est-ce que lui l'aura réussi? S'il est mort sur l'islam, sur le tawhid, on espère pour lui cela. Mais dans quel hal il sera mort par rapport à l'autre? Lequel des deux aura-t-on plus d'espoir qu'il aura la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lequel des deux? En apparence, le premier certainement. On a plus d'espoir pour le premier. Mais que quiconque qui meurt sur le tawhid rentrera au Jannah. Adawardu minallah. Donc maintenant, vous le savez, au Yémen, le pays est perturbé. Il n'y a pas d'événement. Et tout cela, en vue de quoi? Du fait que justement le Yémen est un pays fort en islam. Très fort en islam. Et qu'on vous l'a dit, les Houthis, les Rafidah, ne sont que des marionnettes. Donc maintenant on te demande, c'est quoi le pire pour toi? D'avoir affaire à la marionnette ou d'avoir affaire à celui qui l'a fait bouger? Car si jamais tu as peur de la marionnette elle n'est rien du tout. Mais que là, à l'heure qu'il est, beaucoup sont entre les mains, sous le toit, sous le joug de ceux justement qui contrôlent ces marionnettes. Donc c'est quoi le pire? Car il se peut que demain, sans même t'en rendre compte, toi-même, tu deviennes une marionnette de ces gens-là. En restant chez eux, tu restes sous leur influence. Tu t'imprègnes de leurs idées. Tu t'imprègnes de leur éducation. Que tu le veuilles ou non. Et c'est pour ça que la hijra a été mise en place. Et vous le verrez, wallah, que les frères qui sont en pays d'islam, depuis un moment, et qui ont compris et qui ont un peu appris, ne sont pas comme les frères qui ne l'ont pas fait. Vous verrez une différence. Vous verrez une différence, c'est sûr. Face aux épreuves, dans le sable, ils ne sont pas pareils. Et des frères de France eux-mêmes le témoignent, eux-mêmes le disent. Là, on parle de l'apparent toujours. On parle de l'apparent, le contenu des cœurs. Il y a des frères en France, Aloma Barik. Ils sont forts, ils sont fermes, mais certains sont excusés de ne pas partir. Et des frères qui sont partis qu'on fait l'Hijra, parmi eux, on a trouvé des frères vraiment mauvais, méchants, qui ont dévié. Haza kalam am, c'est une parole générale. Ce n'est pas du cas par cas. Comme al-farq baina ar-rijal wa an-nisa. Comme nous l'avons dit dans l'académie sur le féminisme. De façon générale, l'homme est plus fort que la femme. Mais maintenant, tu vas trouver des femmes plus fortes que certains hommes. Là, il n'y a pas photo. Qui va aujourd'hui oser dire qu'il est meilleur que Aïcha, radhiyallahu anha, que Khadija, que Asiya, que Mariam? Qui? Personne ne pourra dire ça. Pas à notre époque pourra dire ça. Et d'autres sahabiyat. Même aujourd'hui, des sœurs aujourd'hui sont plus fortes que certains frères. On a des sœurs qui sont ici au Yémen, à Aloma Barik seul, qui patientent ce que des frères en France n'arrivent pas à supporter. Des femmes ont perdu leur maille. Des femmes ont perdu leurs enfants. Des femmes ont perdu leur demeure. Et malgré ça, elles tiennent et elles restent fermes. Car elles savent que la priorité pour elles, c'est quoi? D'obtenir l'agrément d'Allah et que les causes ici sont présentes pour cela. Et également, elles sont bien entourées. Des sœurs ont été ramenées au Yémen, hein, que leur mari soit mort ou pas, et ont été laissées au Yémen seules. Et pourtant, ne veulent pas rentrer. Car elles ont goûté. Et d'autres, non. Et Allah, ce printemps, n'a pas écrit le Yémen pour tout le monde. Il n'y a pas photo. Et ce n'est pas forcément la maslaha, le Yémen, pour tout le monde. Des gens se trouvent le Yémen, ce n'est pas pour eux. Et qu'il leur faut un autre pays, un autre endroit, un autre mode de vie, d'autres coutumes que celles du Yémen. Ce n'est pas pour tout le monde, il n'y a pas photo. Et il se peut que demain, quelqu'un il aille dans un autre pays, et ça se passe mieux pour lui. Ce qu'on souhaite à chacun qui parte, qui trouve le meilleur pour lui, ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle des causes en apparence. D'accord? Les causes en apparence. Donc maintenant, je répète cette question qui est souvent posée. Dois-je venir au Yémen ou pas? Surtout ce qui se passe actuellement. Donc nous, on vous dit, c'est quoi tes priorités? C'est quoi tes moyens? Et qu'est-ce que tu te sens prêt à affronter? Si tu connais le Yémen et que tout cela se trouve, personne ne te dira ne viens pas ici. Personne ne te le dira. À part une personne qui n'aura pas été mouafok dans son raï. Car le raï qui est ici, on le voit. Donc comment on va dire à quelqu'un, non, ce raï, tu ne l'auras pas. La yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhi ma yuhibil nafsi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que lorsque les gens y parlent, ils soient réalistes. Et qu'ils mettent les choses comme elles sont pour ne pas à ce que les gens soient déçus ou voient des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Car c'est là, cela peut t'amener à faire machine arrière. Tamam? Fahada. C'est un conseil pour moi-même, ainsi que pour les gens de l'islam dans leur ensemble. Mais sachez une chose, que les gens qui sont déjà là actuellement, là, ici, je ne parle pas des Yéménites, je parle des Mouhajirines qui sont aussi au Yémen, de tous les pays, qui sont encore là actuellement, là. Sachez que malgré les épreuves qu'ils ont subies, ils ne veulent pas rentrer en France. Ou en Angleterre, ou en Amérique, ou tel ou tel pays. Ils ne veulent pas. Donc ça se demandait pourquoi ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui est cette chose qui font qu'ils ne veulent pas rentrer? Et que même dans des cas, là, des machères l'ont dit, là, dans le cas où ils sont là, ça leur est permis de rentrer. Histoire de papier, passeport, je ne sais quoi, des machères leur ont dit c'est permis pour eux de rentrer. C'est-à-dire celui qui demain qui rentre avec un problème de papier ou quoi, eh bien lui là, c'est une dalloua, il peut rentrer chez lui. Et malgré cela, non. Ils ne veulent pas rentrer. Pourquoi? Car ils ont goûté une chose, halawat al-iman, Et ils savent que ce qu'ils ont trouvé ici, il se peut très fortement qu'ils ne le trouvent pas ailleurs. Et cette chose-là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le confort. Mais c'est quoi ? L'islam. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. L'islam authentique. Et les asbab pour pouvoir le propager et le comprendre et bien l'appliquer. Hada wal aham. Et comme je dis, hada min bab dhikr wal nasiha. Ma fi ilzam. Wa ma fi ta'an fi alladhi ma yaqbalu. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une chose que l'on impose aux gens. Ce n'est pas une chose sur lesquels on va critiquer celui qui n'accepte pas. C'est pour amener les gens à faire face aux réalités. C'est tout. Après, le serviteur a le choix. Est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas? Pourquoi je veux, pourquoi je ne veux pas? Hasard. Et comme on le redit, ne pas venir au Yémen, ce n'est pas un grand péché. Ce n'est pas un péché. Le péché est dans quoi? Dans la niya, c'est celui qui délaisse le Yémen ou autre pays par peur de la mort ou peur de choses que Allah lui a déjà dit qu'il va l'éprouver avec. Alors où qu'il aille, qu'il sache qu'il sera éprouvé. Et que cette peur peut l'emmener à tomber dans les choses interdites. Al-Khawf al-Muharram, ce qui t'emmène à délaisser les obligations ou à enfreindre les interdits. Là, c'est là que le abd, chacun se connaît en lui-même, ce qu'il ressent en lui-même, dans quoi il se trouve. Hazao. Amen. Donc là, c'est un kalam basit. Comme je dis, awala li nafsi, thumma li ghayri, min man yastajib li nasiha. Donc faites des doigts pour nos frères qui ont été tués. Ils ne sont pas les premiers, ils ne sont pas les derniers. Sachez-le. Al-aham al-thabat ala dinillah hatta al-mamat wa hatta an nalqah. Hazao. Et croyez-moi que les frères, pour nous, on les considère comme étant une fierté. Ils sont une fierté pour nous, ces frères-là. Et tous ceux qui y sont passés avant eux. Nos frères qui étaient des Medj. Et tout musulman qui aura fait un jihad shal'i ou qui aura été tué en martyr, qui sera mort sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous. On espère d'eux qu'ils aient réussi. Car c'est un parcours, et comme on dit, la mort est inévitable. Donc maintenant la question c'est comment y faire face. Azaw. Ou azama yakuni li bitawfiqillah. Et le tawfiq s'accorde par des causes. Et ces causes sont exposées où? Fi kitab wa sunnah. À la femme salaf salih. Et cette femme, le salaf salih, s'acquiert chez qui? Inda al-ulama. Cette compréhension de la salafia s'acquiert chez les gens de science, chez les savants. Et ces savants ne sont pas en pays de Kouf, sûrement pas. Tout comme les do'at qui seront des bons conseillers pour les gens ne sont pas en pays de Kouf non plus. Armi al-lazi wa marzour. Al-lazi al-ouzr, shari, celui qui est excusé. Sinon, vous les verrez, la plupart qui sont là-bas, ils sont faibles. Et ils vous freinent. Ils n'appellent pas au bien. Et on dit en toute clarté que les do'at que l'on connaît actuellement, qui sont en France particulièrement, ceux qui sont connus, n'appellent pas au bien. Et qu'eux-mêmes n'appliquent pas ce bien. Donc comment appeler une chose qu'eux-mêmes n'arrivent pas à appliquer? Et comme ils n'arrivent pas à appliquer, pour ne pas être avoir questionné, ils disent, ben, ils appellent les autres à ne pas le faire. Sinon, ils te diraient fais, on dirait pourquoi tu ne le fais pas toi. Et s'imagine qu'ils vont propager la salafia en France. On dit réveille-toi. Voilà, réveille-toi. Arrête ton tala'oub, arrête ton rêve. La salafia, elle n'a pas besoin de toi en France. La salafia, elle a un rab, elle a un seigneur. D'accord? Elle a un seigneur. Donc c'est un de faire dormir les gens en France et leur dire qu'en France, tu as peut-être ta religion, je ne sais quoi. Ces gens-là vous rapportent à quoi? Ou peut-être même aux portes de l'enfer. À te faire mourir dans les kaba'ir. Voilà à quoi ils t'appellent, pour beaucoup d'entre eux. Et s'ils ne l'appellent pas par l'isan el-maqal, même si tu ne le dis pas par sa langue, il t'appellera par quoi? Par ses faits. Car lui-même, tu le prends comme exemple. Donc comme tu le vois s'instaurer, s'installer là-bas, tu fais comme lui. Tu dis, si Foulen lui arrive, c'est que je peux y arriver moi aussi. Regarde Foulen, il a appris, il a fait Talab al-Ilm, pourtant il est là. Eh bien, cet exemple-là, يوم القيامة, tu verras. وَيَسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ فَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Que ceux qui ont été suivis s'innocenteront de ceux qui les ont suivis lorsqu'ils verront le châtiment et que les liens seront coupés. Après qu'ils aient vu le châtiment et que même les liens de sang seront coupés. Et que ceux qui ont suivi diront si seulement nous pouvions revenir afin que nous innocentons d'eux comme ils le font aujourd'hui de nous. Tout le monde se jettera la pierre. C'est vous, non, c'est pas vous. Donc maintenant, c'est entre chacun son nefs et surtout entre chacun et son Seigneur, en premier lieu. كل واحد يرجع لنفسه ويفكر ويرى ومهما حصل فالخيل حاصل في اليمن. Quoi qu'il arrive, le khayl est présent au Yémen. On vous le dit clairement. Le khayl est présent. Mais ce khayl, il a un prix. Azahu. Ce khayl, il a un prix. Naam. فبعد القد نكتفي نسأل الله أن ينفع بما قلنا وما سمعنا وأن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منهم ما بطن ونسأل الله يرحم إخواننا الذين قتلوا في سبيله ويتخذوا عنده شهداء ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. مع تحية دمام.